L'amour, l'amour, l'amour, l'amour est si compliqué, ami. Zala se wangae, na zala pe wayoe. Lobito kwela na ami. Bolingo, bolingo, bolingo, ne asomo boye, ami. Bolinganga leloe, oboyangae lobie. Suka se matata, ami. Je voudrais te chanter, mais les mots chéris me manquent. À quoi bon tout dévoiler? Aimons-nous en silence, de peur que les méchants s'amèlent. Je suis riche en amour, mais si pauvre en argent. Ne me rends pas plus malheureux, reste auprès de moi pour toute l'éternité, amen. À toi là-bas, les oui dans ton camp, chérie. Réponds-moi le plus vite, assure-moi ton amour et je me calmerai, mamie. Naleli, naleli, nga nalela yo, amie. Bolingo, sukate, bolinga na libela, suka se makwela, mamie. Je voudrais te chanter, mais les mots, chérie, me manquent. À quoi bon tout dévoiler? Aimons-nous en silence, de peur que le méchant s'amène. Je suis riche en amour, mais si pauvre en argent. Ne me rends pas plus malheureux, reste auprès de moi pour toute l'éternité, amen. Ami, seul Dieu va me séparer de toi. N'est-ce pas Touré? C'est pas vrai ça, les Balatou? Alex Boissel. La la la.